Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est charmant, un dessin d'enfant, une fleur, un papillon, le soleil. Parfois, le dessin présente des sous-entendus, des angoisses cachées, discrètement révélées d'un coup de crayon de couleur. Et parfois, le dessin est clairement plus sombre. C'est le cas en 1954, dans une bande dessinée réalisée par les enfants de Moulinvieux, une communauté qui accueille les gamins en errance au sortir de la guerre. C'est l'histoire de Tato, un petit espagnol. Dans la première vignette, il joue heureux à Tolède en 1936. Puis vient la guerre, le bombardement de sa maison, le corps de sa maman retiré des décombres. Tato aide ensuite les combattants, puis c'est l'exode. La planche de la bande dessinée se termine par un dessin de Tato assis, par terre, la tête entre les mains. Et cette question, Tato perd ses parents, que va-t-il devenir ? Au XXe siècle, avec ces guerres, ce sont des millions d'enfants qui se trouvent sur les routes, seuls, perdus, abandonnés. Qui pour les recueillir ? Et pourquoi pas des républiques d'enfants ? Car ce n'est pas toujours charmant, un destin d'enfant. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous parcourons les expériences républicaines de la Rome antique aux cités médiévales et des tropiques républicains avec Toussaint Louverture, des émissions à réécouter en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la baladodiffusion, des émissions à commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui, la République est-elle un jeu d'enfant ? L'international des républiques d'enfants, donc des communautés pédagogiques qui ont accueilli des tas de gamins. C'est un phénomène intéressant parce qu'il est au cœur de ce XXe siècle, ce XXe siècle perturbé. Et pour nous en parler, Mathias Gardet, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8. Vous êtes donc co-auteur avec Samuel Boussion et Martine Ruchat de cet ouvrage « L'international des républiques d'enfants 1939-1955 ». C'est publié chez Anna Mossa. Faut le dire, qu'est-ce que c'est ? Parce que l'ouvrage est magnifique, le titre nous interpelle, « L'international des républiques d'enfants ». C'est un nouvel objet historique, ça n'avait pas été étudié en tant que tel jusqu'alors ? Non, en fait, le phénomène de la République d'enfants comme expérience pédagogique qu'on peut retrouver depuis la fin du 19e avait été étudié de façon très isolée, hein, comme des expériences menées par certains pédagogues un peu éclairés. Mais le fait que ce soit mis en mouvement, comme ce qu'on a étudié nous au lendemain de la guerre, notamment sous la houlette de l'UNESCO, avec un véritable échange d'idées entre pédagogues, médecins, prêtres d'orientation très différentes, là c'est très nouveau. Oui, c'est le phénomène en fait qui se construit dans cette Europe d'après-guerre. Donc ces républiques d'enfants, la date que vous donnez pour commencer votre étude, c'est 1939. Donc ces républiques d'enfants, en tout cas ces communautés, parce que le mot république n'est pas donné à toutes ces communautés, est un phénomène qui s'impose en fait au moment de la guerre, même la guerre civile espagnole, qui est un moment majeur de l'histoire du XXe siècle, où il y a des tas de gamins et qu'en faire ? Ils sont seuls sur les routes. Oui, effectivement, et ça a été étudié déjà par certains historiens espagnols, on trouve ce qu'on appelle des colonias escolares qui se mettent du côté républicain, notamment sur toute la côte catalane, et qui vont accueillir comme ça de façon urgente des enfants qui fuient les bombardements des grandes villes, que ce soit Madrid ou Barcelone, et qui vont être accueillis par des instituteurs qui bricolent tant qu'ils peuvent, puisqu'ils accueillent ces enfants qui devraient normalement aller à l'école, et qui vont commencer à mener ces expériences de république d'enfants en ayant très peu finalement de cadre pour les encadrer. Ils vont décider de faire appel aux enfants eux-mêmes pour participer à la gestion de ces communautés. C'est ça qui est formidable. Et on élit le maire, et il y a des syndicats et il y a le journal de cette communauté. Mathias Gardet, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages donc autour de cette question qui vous intéresse. C'est l'enfance. Vous avez écrit les colonies de vacances. vacances, c'est au Cherche-Midi. Mauvaise graine, 2 siècles d'histoire de la justice des mineurs. Et puis là, récemment, La parole est aux accusés, histoire d'une jeunesse sous surveillance, 1950-1960, qui va paraître chez Textuel, avec Véronique Blanchard. La parole est aux accusés, en fait... Au-delà de l'étude, hein, dans cet ouvrage, vous apportez aussi du document. Nous disposons énormément de documents et ces documents, alors là, sont vraiment troublants. La parole est aux accusés. On faisait parler ces jeunes gens qui étaient accusés de vice, de mauvaise vie, en tout cas qui n'entraient pas dans les cadres voulus par la société. Alors, ce qui m'a complètement fasciné, en fait, c'est la découverte de ces dossiers judiciaires que j'imaginais très administratifs, avec seulement des documents administratifs, et le fait que ce soit des institutions, en fait, qui se voulaient expérimentales du côté de l'observation et notamment de la psychologie et de la psychiatrie de l'enfant, hein, j'ai trouvé dans ces dossiers non pas simplement des rapports d'experts sur ces enfants, mais aussi des cahiers d'écoliers, avec de très nombreuses rédactions et dessins, et beaucoup de correspondances qui était confisquée, hein, ce qui tout d'un coup m'a permis de retrouver la parole des enfants, parole que, de façon paradoxale, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver dans l'autre livre sur les républiques d'enfants, où là, l'enfant est au centre, là, l'enfant gère la communauté, et là, la parole était beaucoup plus compliquée au niveau des traces archivistiques à trouver. Même si l'ouvrage l'international des républiques d'enfants est aussi riche d'iconographie, alors, c'est toujours parlant, hein, parce que nous voyons ces visages, c'est une histoire incarnée, et puis Mathias Gardet, vous le soulignez bien, il y a cette parole, toujours très dure en histoire, d'avoir la parole de l'individu, de l'intime, le document administratif, c'est vrai qu'il est là, il reste et il est fait pour être conservé. La parole souvent disparaît. Et là, c'est vrai qu'il y a des sources magnifiques et quelque chose qui nous rapproche vraiment de ces individus qui sont votre objet d'étude. Oui, ce qui est d'autant plus étonnant pour l'historien, hein, c'est qu'on découvre effectivement ces récits de vie. On peut vraiment parler de récits de vie, puisqu'ils se racontent. Ils se racontent à cœur ouvert, je dirais, hein, racontant à la fois leur expérience sexuelle, leurs loisirs, leurs délits, hein, les problèmes qu'ils ont rencontrés dans la famille, leur logement. Et pourtant, on ne les écoute pas. Alors que dans l'autre ouvrage qui est de la République d'enfants, là au contraire, hein, on met en scène la parole de l'enfant et cette mise en scène collective, hein, d'une communauté d'enfants qui parle en tant que citoyen d'une petite république, là on peut parfois se demander, même dans la bande dessinée que vous avez décrit en début d'émission, s'il s'agit vraiment d'une parole spontanée ou d'une parole mise en scène pour la propagande, pour mettre justement en avant, hein, ces expériences pédagogiques. Des expériences pédagogiques qui intéressent les actualités, notamment les actualités Gaumont, c'est en 1954. Écoutez cette archive, et comment s'occuper des enfants blessés par la vie. Chaque année, en France, des centaines d'enfants de tous les milieux sont psychologiquement meurtris par des conditions de vie ingrates. La gravité de ce problème a conduit la sécurité sociale a créé pour eux des centres de réadaptation comme celui du Hameau École de Longueuil-Yanel. Ici, sous les directives de professeurs et d'éducateurs spécialisés, ils apprennent ce que jusqu'alors on ne leur avait pas appris, à vivre. L'apprentissage d'un métier a apporté dans le domaine de la réadaptation des résultats probants, en occupant les enfants à des tâches qu'ils ont eux-mêmes choisies et en supprimant ce sentiment d'inutilité que beaucoup portaient en eux. Une monnaie intérieure récompense le travail et permettent à chacun d'acquérir la notion du salaire et le sens de l'épargne. La vie sociale du hameau se manifeste dans les rapports d'amitié entre les enfants et leurs aînés, et surtout dans le Conseil fédéral de la République qu'ils ont formé pour régir eux-mêmes leur vie et régler leurs problèmes. Sous l'égide du président, chacun participe à la vie commune et peut exprimer ses soucis et ses projets personnels aussi bien que ceux de la communauté. L'œuvre du hameau de Longueuil-Yanel et la collaboration des populations voisines qui contribuent à rendre à ces enfants une vie familiale et une affection qu'ils n'ont pas toujours connue, apporte une solution nouvelle à un problème jugé trop souvent sans espoir, celui de l'enfance inadaptée. Ah, le problème de l'enfance inadaptée dans les actualités Gaumont en 1954, mais tout est là, vous l'avez entendu, Mathias Gardet, hein, tout le vocabulaire, la monnaie, il y a une formation, une vie sociale, il y a même un président. Oui, mais nous sommes en 1954 et les choses ont bien changé avec le début de ces communautés, de ces républiques d'enfants. Vous nous avez dit, au moment de la guerre d'Espagne, il y a des expériences qui sont faites. Évidemment, en 1939, hein, avec la guerre qui éclate, la défaite, et puis toute la guerre, en fait, c'est quelque chose qui est un mouvement continu. Les expériences sont multiples, elles prennent toutes les formes possibles. Ah oui, vraiment toutes les formes possibles, puisqu'on trouve des expériences d'obédience catholique hein, menées par des prêtres qui s'inspirent notamment de l'expérience du père Flanagan aux États-Unis et qui avait fait l'objet d'un film tourné par Norman Torog qui s'appelait Boys Town et qui avait comme rôle principal Spencer Tracy qui jouait le rôle du prêtre. On a des pédagogues très inspirés des mouvements d'éducation nouvelle et on a aussi comme l'expérience citée dans l'émission de Gaumont, des médecins psychiatres hein, qui étonnent beaucoup plus, qui s'emparent de ce type d'expérience, comme le médecin psychiatre Robert Préau qui crée ce hameau-école de Longueuil-Annel dans une volonté d'expérimenter un peu ce qu'on pourrait appeler une pédagogie curative. Hein, c'est-à-dire qu'il va se prêter à ce modèle pédagogique, non pas simplement pour faire de la pédagogie, mais en se demandant si ça pourrait lui servir, lui en tant que psychiatre, pour pouvoir voir la réaction des enfants en fonction de certaines charges. Et l'heureuse surprise, effectivement, dans les archives de Longueuil-Annel, alors qu'on pensait que c'était juste un jeu de façade, c'est qu'on a réellement découvert, notamment par exemple, tout un procès tenu par les enfants, hein, qui jugent eux-mêmes un de leurs concitoyens. On a trouvé effectivement des petites monnaies intérieures, on a trouvé des petites cartes d'identité propres à la République, on a trouvé donc cette monnaie, oui, le coq, on a trouvé aussi des charges qui étaient achetées par les enfants avec cette monnaie intérieure pour pouvoir occuper telle ou telle fonction au sein de la communauté. Alors ce qui va changer juste le lendemain de la guerre, toutes ces expériences qui sont très hétéroclites, hein, qui sont faites chacune dans leur coin par des gens d'orientation très différentes, tout d'un coup vont se rencontrer. Et elles vont se rencontrer sous la houlette de l'UNESCO. Pourquoi sous la houlette de l'UNESCO ? Parce que au lendemain de la guerre, l'UNESCO missionne des experts hein, dans tous les pays d'Europe, lui, dans l'objectif d'abord de reconstruire les écoles. Hein, son souci, hein, c'est bien l'éducation, comme l'indique son sigle, et son idée c'est de essayer de jauger hein, les besoins en matériel scolaire, en reconstruction d'écoles. Et les experts qui voyagent dans toute l'Europe, que ce soit en Pologne, en France, en Italie, eux très vite ils vont revenir accablés parce qu'ils voient la situation absolument catastrophique de l'enfance. Ils vont dire c'est bien gentil l'école, mais en fait les enfants, c'est pas l'école en premier dont ils ont besoin, c'est avant tout un toit, et tant qu'ils n'auront pas un lieu d'accueil, ils n'iront pas à l'école. Donc ça ne sert à rien de commencer par reconstruire les écoles si on ne pense pas d'abord des accueils pour ces enfants qui errent dans la rue. Alors, quelles formes peuvent prendre ces accueils? C'est aussi la question qui se pose, parce que Mathias Gardet, là, nous avons des systèmes, et vous nous l'avez bien décrit, on sent que ce n'est pas simplement un lieu d'accueil, vu qu'il y a une monnaie, il y a des élections. Quelle différence, en fait, entre ces communautés, ces républiques d'enfants et un simple orphelinat? Alors moi je pense que vraiment la grande différence c'est le sentiment de culpabilité hein, qui règne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale devant l'étendue du désastre causé hein, par les sociétés adultes. Et là très rapidement on se dit on ne peut pas faire un lieu d'accueil traditionnel comme il en existe de tous les temps hein, pour recevoir des gens pauvres, des enfants pauvres. Là en fait on doit absolument trouver des lieux d'accueil qui essaierait de racheter un petit peu la dette des adultes envers ces enfants qu'on a laissés dans une telle déshérence et dans une telle misère. Et donc là, on cherche justement quel type d'expérience on pourrait mettre en avant. Et c'est en faisant ces tours d'Europe que certains experts vont découvrir ces expériences pédagogiques menées ici et là. Et on va se dire, mais c'est ça qu'il faut faire pour ces enfants victimes de la guerre. C'est pas simplement des orphelins pauvres, miséreux, c'est nos enfants. N'importe quel de nos enfants pourrait avoir été victime de cette guerre. Donc il faut offrir quelque chose, un lieu d'accueil qui soit plus honorable. Et donc là, ils vont adopter finalement ces expériences où l'enfant est au centre, où on a l'impression de racheter. Et puis quelque part aussi, c'est l'idée symbolique de trouver un symbole fort où l'enfant finalement serait celui qui va racheter hein, ce que n'ont pas su faire les adultes. Oui, cette préoccupation, d'ailleurs, nous la retrouvons dans un discours du général de Gaulle. Mais c'est pas n'importe quel discours, c'est le discours du 25 août 1944 à l'Hôtel de Ville, le discours que nous connaissons tous, un Paris outragé, un Paris libéré. Oui, mais ce discours continue, parce qu'on voit toujours cette petite séquence. Et écoutez bien ce que dit le général de Gaulle, il parle des fils, des filles de la France, au sens de citoyens, citoyennes, bien sûr, mais le vocabulaire utilisé, ce sont les enfants. Et il y a cette volonté de tourner la page avec une solidarité, une éducation. Tout cela regarde vers l'avenir. La nation sait bien qu'il lui faut, pour vaincre, pour se reconstruire et pour être grande, il lui faut avoir avec elle tous ses enfants. La nation sait bien que ses fils et ses filles, tous ses fils et toutes ses filles, hormis quelques malheureux traîtres qui se sont livrés à l'ennemi ou lui ont livré les autres et qui connaissent ou connaîtront la rigueur des lois, hormis ceux-là, tous les filles de la France marchent et marcheront fraternellement pour les buts de la France, la main dans la main. La main dans la main, le général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Paris le 25 août 1944. Donc pas de contresens, hein. Les filles, les fils de la France, on l'entend bien, ce sont les citoyens. Mais malgré tout, le vocabulaire utilisé, enfants, fils, filles, nous rappelle cette attention portée à la jeunesse. Et d'ailleurs, il y a les ordonnances sur les mineurs en 1945. Mais il y a toute la réflexion sur que faire de notre jeunesse. C'est dans ce contexte-là qu'on doit comprendre la mise en place de relations entre ces communautés pédagogiques. Oui, et d'autant plus que pour la première fois, la Seconde Guerre mondiale va utiliser l'image de l'enfant comme la victime civile par excellence. Et puis, l'autre problème qui va se poser très fortement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça va être la peur de l'endoctrinement qu'ont pu subir certaines jeunesses dans certains pays, les pays notamment fascistes. Donc la jeunesse italienne, la jeunesse allemande, la jeunesse japonaise, la jeunesse française aussi. Et donc il y a aussi cette volonté de trouver un système éducatif qui va leur réapprendre les bases de la démocratie, de la République, surtout qu'il ne faut pas oublier que pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas connu la République. Ils n'ont connu que les temps de guerre, où les règles démocratiques, on le sait que trop bien, sont souvent oubliées pour des urgences de type militaire. Alors, dans cet ouvrage, alors vous, Mathias Gardet, mais avec Samuel Boussion et Martine Ruchat, vous étudiez plusieurs cas. Évidemment, il y a des cas en Suisse, en France, en Italie. Est-ce qu'il y a des lignes directrices qui permettent de comparer ces cas où chaque système mis en place est original? En fait, dans le cours de l'histoire sur France Culture, là, toute la semaine, nous réfléchissons aux expériences républicaines. Comment pouvons-nous mettre en place la République, la communauté dans ces républiques d'enfants? C'est vraiment le cas. Ils sont confrontés à un monde nouveau à créer dans un tout petit espace, celui de la communauté. Alors, je dirais qu'au départ, chacun va bricoler dans son coin comme il peut, en fonction des bagages qu'il a. Mais la grande nouveauté, c'est ça le cœur de notre ouvrage, c'est la rencontre qui a lieu en 1948 dans un village d'enfants qui n'est pas anodin, qui est un village au fin fond de la Suisse, qui s'appelle Trogen, le village d'enfants Pestalozzi de Trogen, qui avait été créé en 1946 par un idéologue suisse qui avait pensé accueillir les enfants de toutes les nations et créer dans ce village une maison par nation, où chaque enfant serait éduqué dans sa maison selon le système éducatif de son pays, mais formerait une communauté internationale. Et c'est vrai que la grande nouveauté de cette rencontre, c'est cette idée justement de faire passer ce qu'ils appellent à l'époque la compréhension internationale. Se dire que finalement, l'ultranationalisme qui a été présent pendant la guerre était une des causes, justement, de cette guerre, et pour dépasser, pour qu'il n'y ait plus jamais une seconde guerre mondiale, il y a l'idée, très utopique, éduquer les enfants, justement, dans une ambiance internationale. Alors, ou bien on le fait au sein même de la communauté, en faisant se rencontrer des enfants même de pays ennemis avant. Donc, par exemple, en Suisse, on va faire côtoyer des petits Allemands, des petits Autrichiens, des petits Français, des petits Italiens, des petits Grecs, etc. Des petits Polonais, tous ensemble. Ou bien, on va imaginer faire des camps internationaux où des enfants venus de différentes communautés se rencontreraient, dialogueraient ensemble, créeraient des amitiés qui permettraient justement d'éviter un troisième conflit mondial. Mais justement, ce village de Trogen est drôlement intéressant. Vous l'étudiez dans l'International des Républiques d'Enfants. Il y a cette volonté de mettre des gamins venus de tous les pays. Mais malgré tout, dans l'analyse que vous pouvez faire, il y a une similitude avec le pays qui accueille cette communauté, qui est la Suisse, qui est un État fédéral. Donc l'État est fédéral et la communauté elle-même devient fédérale presque. Et puis la Suisse, ne l'oublions pas, doit se racheter, a l'impression en tout cas qu'elle doit se racheter de ses positions plus qu'ambigu pendant la Seconde Guerre. La Suisse aussi est étonnamment épargnée. C'est un îlot, tous les voyageurs, d'ailleurs experts de l'UNESCO que je citais, quand ils voyagent, ils sont sidérés de découvrir le seul îlot intact dans cette Europe absolument dévastée, une Europe de ruines. Tout d'un coup, il y a cet îlot. Donc symboliquement, c'est très fort. Et on va recevoir donc l'idée de recevoir tous les enfants d'Europe et de former cette communauté. Mais effectivement, très rapidement, il y a le problème de l'empreinte nationale. Surtout que n'oublions pas, la Suisse est trilingue. Et l'emplacement choisi pour ce village d'enfants de Trogen, qui est dans l'Appenzell, au nord de la Suisse, c'est la partie germanophone de la Suisse. Et donc, on pourrait dire avec une grande naïveté, la langue officielle du village va être le suisse allemand. Pour des enfants pour qui cette langue allemande n'éveille pas forcément des échos extraordinaires. Mais on va avoir une véritable négation du problème de langue, avec l'idée assez utopique que les enfants, de par leur âge, vont pouvoir dialoguer entre eux, même s'ils ne parlent pas la même langue. Et ce n'est pas un hasard si c'est ce village, Trogen, donc qui est choisi en 1948 par l'UNESCO pour mettre en place donc ce qu'on peut appeler l'International des Républiques d'Enfants. C'est le titre de votre ouvrage, Mathias Gardet. C'est étonnant, cette volonté comme ça de créer des liens entre tous ces communautés qui sont un peu différentes. Quelle est la volonté en réalité? C'est de prendre le dessus pour pas laisser des expériences trop libres ou d'harmoniser? Quelle est la volonté de l'UNESCO? L'UNESCO, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, vu le rayonnement peut-être affaibli qu'elle pourrait avoir, la force du projet du départ. C'est de recréer un réseau international, recréer aussi une harmonie après le chaos qui a régné pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est vraiment dépasser les enjeux nationaux pour essayer de créer ce réseau. Et réellement, quand on parle d'International des Républiques d'Enfants, il va y avoir effectivement création à la fin de cette rencontre de 48 d'une fédération internationale des communautés d'enfants où vont se rencontrer et dialoguer régulièrement pendant presque 10 ans tous ces fondateurs des différentes expériences dans les différents pays européens. Bien justement, en écho à ce dialogue qui s'instaure, je vous propose une archive de la radiodiffusion française. C'était le 7 décembre 1950, à propos des enfants de la République de Moulinvieux. Dans une classe, la classe qu'ils ont bâtie comme leur maison, comme leur dortoir, 45 enfants. Les 45 enfants de la République de Moulinvieux répètent une dernière fois le récital pour la paix, celui qu'ils vont chanter en Suisse, en France, un peu partout. Ces enfants sont pauvres, heureux, libres. Dans ce récital, tout a été inventé, choisi par eux. Les costumes, les textes, l'harmonisation des chants de notre folklore. Ils n'ont peur de rien. De rien, sauf de la guerre. Et ils chantent pour la paix l'histoire de France, à leur manière. Les filles portent des robes blanches, brodées de bleuets et de coquelicots. Les garçons, des chemisettes blanches et de longs pantalons bleus marine. L'une des filles est blonde, elle porte le bonnet phrygien de Marianne. Elle se tient légèrement en avant de ses compagnes. En décembre 1950, l'évocation à la radio française de la République de Moulinvieux, avec beaucoup de symboles. Nous entendons ces archives du bonnet phrygien, la paix, énormément de symboles dans ces républiques d'enfants. Mathias Gardet, c'est quoi cette expérience à Moulinvieux? Alors ça, c'est une des expériences phares dont on traite dans le livre, qui a été menée en fait par deux instituteurs, un couple, un vrai couple d'instituteurs d'ailleurs, qui était directeur d'une école dans la banlieue de Marseille, Henri et Henriette Julien. D'ailleurs, pour la petite histoire assez amusante, Henri avait été élève de Henriette. Donc, il avait marié son institutrice. Ils avaient 15 ans ou presque 20 ans de différence. Ça arrive, voilà. Même au plus haut sommet. Et ensemble, donc, ils se préoccupent au départ de l'arrivée, c'est pour ça qu'on a fait démarrer notre ouvrage en 1939, de l'afflux de réfugiés espagnols. Et parmi ces réfugiés, l'afflux d'enfants, et notamment l'afflux d'enfants qui arrivent des fois des collectifs d'enfants, ces fameuses colonias escolares de la côte espagnole, qui arrivent avec leur instituteur. Donc on a des groupes d'enfants, même sans parents, parfois avec leur instituteur espagnol, qui débarquent. Donc au départ, ils vont lancer des maisons d'accueil pour ces enfants espagnols. Ils vont en créer, avec un dynamisme absolument incroyable, ils vont en créer 5 dans l'arrière-pays de Marseille, provençal. Et puis, de cette expérience, rapidement, ils vont être rattrapés par la Grande Guerre. Enfin, la Grande Guerre, c'est comme ça qu'on l'appelle, la Seconde Guerre mondiale. Et avec le bombardement du port de Marseille, mais aussi l'afflux de réfugiés des pays de l'Est et du Nord de la France, au fur et à mesure que la guerre avance avec l'exode. Et donc là, ils vont passer donc de l'accueil simplement d'enfants espagnols à un accueil, je dirais, multinational, à la fois d'enfants de différents pays, d'Autriche, etc., d'enfants juifs notamment, et des enfants français qu'ils accueillent. Et assez rapidement, pour eux, ça va être une révélation. Ils vont s'apercevoir qu'en ayant ces enfants sans avoir la famille, en les ayant 24 heures sur 24 toute l'année, là, ils peuvent tenter une expérience pédagogique unique, comme ils ne pouvaient pas faire dans leur école où l'enfant, après, rentre chez lui, n'est pas là pendant les vacances. Là, ils ont clientèle, je veux dire, des enfants captifs pratiquement, et ils peuvent mener une expérience extrême de république d'enfants, où ils vont être eux, d'ailleurs ils vont être surnommés papa et maman, ils vont être le père et la mère de cette communauté, et les enfants, ils vont créer cette république d'enfants de Moulinvieux, et qui va faire beaucoup parler d'elle, notamment en 1950, puisqu'elle va être l'accueil de la toute première expérience de camp international d'enfants en 1949. C'est eux qui remportent au sein de la Fédération internationale de communautés d'enfants, d'accueillir finalement cette première expérience de camp international en recevant des enfants de toutes les communautés européennes. Voilà, c'est là que l'on comprend bien le titre de votre ouvrage, Mathias Gardel, International des républiques d'enfants. Et justement, ces républiques qui répondent en fait à tous ces gamins délaissés, perdus dans les rues, après ces années noires, sont évidemment à la recherche d'un avenir meilleur. Et c'est vrai qu'avec Milena Ely, qui réalise le cours de l'histoire, avec aujourd'hui la technique Cindy Le Grumelec, nous cherchions de quoi illustrer ça. Une communauté d'enfants à la recherche du soleil, mais évidemment, ce sont les poppies laissées entrer le soleil. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. On se guette, traqué à bout de souffle marchant, pétrifiés dans nos manteaux d'hiver, refoulés aux frontières du mensonge des nations qui crèvent, tués par des rêves chimériques, écrasés de certitude, dans un monde glacé de solitude. Savoir si quelque part il y a l'espoir d'être un jour les enfants du hasard. Je vois ma vie projeter son futur dans l'espace, et le silence me répond en secret, sans secret. Manchester, England, England, Manchester, England. À bout de Les poppies, laisser entrer le soleil. Dans le cours de l'histoire, nous intéressons aujourd'hui à des expériences intéressantes autour de l'idée républicaine, l'internationale des républiques d'enfants. Et justement, Mathias Gardet, nous avons évoqué toutes ces républiques. Les poppies derrière nous parlent de rêves chimériques. Ce sont ces utopies aussi qui nous intéressent, parce qu'il y a quelque chose dès la formation de ces républiques utopiques. Accueillir des enfants, c'est-à-dire leur donner à manger, un toit, un lit, ça, c'est une chose qui est réelle et bien concrète. Mais à côté de ça, organiser la communauté. C'est là où nous touchons parfois à l'utopie. Alors, quelle est cette volonté de mettre en place des systèmes d'élection? Comment ça se passe concrètement? Les gamins arrivent, ils sont citoyens d'une communauté? Alors, théoriquement, ils sont même citoyens à vie. Et j'ai pu d'ailleurs voir que pour certains d'entre eux, ça a été réellement une expérience de vie sur le long terme, puisque par exemple, je suis allé visiter une des communautés dont on parle italienne près de Rome, à Civitavecchia, et quand j'ai appelé pour aller voir les archives, je suis tombé sur un vieux monsieur, et j'ai assez rapidement compris que ce vieux monsieur était un ancien petit citoyen, arrivé au tout début des années 50 dans cette communauté, et qui avait après fait sa vie, s'était marié, avait eu des enfants, et une fois que sa femme était décédée, ses enfants avaient volé de leurs propres ailes, il avait décidé, il n'était pas seul, ils étaient quatre ou cinq, revenir dans son foyer, sa communauté, sa ville, sa république, pour y mourir. Et donc, il vit toujours dans sa république d'enfants. Donc, il y a des élections, on peut élire un président. Alors, ça, c'est le vrai problème, parce que très vite, il y a une surenchère publicitaire autour de ces expériences où on va effectivement assister, je dirais de façon très médiatique, à des élections. On a une quantité absolument incroyable de photographies où on voit ces assemblées d'enfants, d'ailleurs avec l'absence totale de présence adulte. Il n'y a aucun adulte dans toutes ces photos. Et on voit ces enfants mener leur république, alors, mais la mener, je dirais même manuellement, puisque souvent ils la font. Ils la construisent. On les voit au départ avec des pelles, des pioches, en train de creuser des sillons, cultiver leur propre champ, mais construire même ou restaurer des bâtiments souvent délabrés dans lesquels ils sont installés. Et puis après, on les voit mener leur assemblée. J'ai pu d'ailleurs, en visitant certaines de ces communautés encore existantes, un peu en ruine aujourd'hui, voir vraiment des bâtiments, avec sur le fronton du bâtiment marqué « Assemblée des jeunes ». Et avec, quand on rentre dedans, une réplique, par exemple, je pense à celle près de Rome, une réplique de la salle de l'UNESCO. Donc, une véritable assemblée où il y a les jeunes, avec visiblement un maire ou un président, selon les communautés, qui est élu, qui prend la parole. Et puis, on a même beaucoup de photos où on les voit en train de faire justice. Alors, c'est très amusant. On a le petit juge, on a le petit procureur, on a le petit avocat, et puis, devant, on a l'accusé et tout le monde a le même âge. Et puis on a même des photos où on voit la banque et le banquier, le caissier sont des enfants aussi qu'on met, alors on va mettre surtout pour accentuer cet aspect, on va mettre des enfants très jeunes, ils ont 11 ans, 12 ans, donc on a toutes ces photographies. Après la vraie question c'est derrière cette publicité médiatique, est-ce que réellement ça a fonctionné de cette façon ou comment ça a fonctionné. Et là, on s'est aperçu dans les archives que c'était beaucoup plus difficile et que très vite, on pouvait mettre des bémols à ce fonctionnement républicain uniquement fait par des enfants. Puisque très rapidement, on s'aperçoit que l'adulte va arbitrer à la moindre dérive, enfin jugée par l'adulte comme une dérive, au moindre problème qui se présente, l'autorité reste bien entre les mains des adultes présents et finalement très présents dans ces communautés d'enfants. L'importance de croiser les sources en histoire, Mathias Gardet, effectivement, entre les images de propagande et puis le document que l'on peut trouver et qui n'est pas censé être diffusé, il y a un contraste. Un exemple avec le témoignage du petit Armando. Armando, un jeune garçon de 11 ans qui vivait du trafic de cigarettes. Il dealait des cigarettes avec des soldats américains. Nous sommes en Italie, c'est le village d'El Fanciullo, c'est bien ça? C'est un petit village, une communauté d'enfants. Et disons qu'Armando n'a pas une vision très positive de son arrivée au village. Voici enfin l'entrée principale. une grille entre deux colonnes, et au milieu un chemin et beaucoup d'arbres, et derrière des cyprès qui donnaient l'impression d'un cimetière. Le camion s'arrêta devant une vieille maison en mauvais état. Nous descendîmes et nous dirigeâmes vers elle pour mieux l'observer. Je sentis alors la puanteur d'étable. Dans une pièce plus ou moins aménagée, des lits avec dessus des sacs gonflés, remplis de paille de froment. Et je pensais par-devers moi, c'est dans ça les matelas ? Puis ils nous donnèrent une couverture de flanelle très légère et une paire de draps très courts. Des rassemblements continuels effectués par un prêtre belge qui, avec son air de dictateur, se faisait respecter sans lui-même respecter l'ordre donné. Il officiait comme maire, juge, assesseur, chef de la police. Armando, gamin de 11 ans en Italie, qui donne son témoignage sur ce qu'est cette république d'enfants. C'est un témoignage qu'on peut lire dans l'ouvrage L'International des républiques d'enfants, qui nous est lu dans le cours de l'histoire par Élodie Hubert, Mathias Gardet. Oui, là, le mot est tombé, dictateur. En fait, sous apparence de république, parfois, les adultes ont la main sur tout. Alors parfois, alors c'est vrai que ce qui nous a étonné, on a fait un carnet de recherche sur hypothèse.org qui accompagne cet ouvrage et on a eu des retours d'anciens. Et on s'aperçoit dans ces blogs qu'on peut trouver là ou dans d'autres blogs d'anciens de ces communautés que le vécu de ces enfants a pu être très différent. Certains vont justement évoquer cette énorme liberté qu'ils ont ressentie, cette impression d'être grisés par ce gouvernement qu'ils menaient. Et d'autres vont témoigner en disant « mais c'était toujours les mêmes, c'était les petits leaders qui avaient toujours les postes clés et finalement, nous, on n'avait pas le droit à la parole. » Je pense que ce vécu, ces témoignages, c'est ce qu'il faudrait continuer à collecter pour arriver à mesurer justement l'impact à long terme pour ces enfants de ce vécu dans ces communautés. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à des orphelinats plus traditionnels, à des établissements plus autoritaires, sans doute, ça a été une expérience unique pour certains d'entre eux. Oui, et puis le témoignage reflète le sentiment d'un individu. Et c'est là où il est difficile de mesurer dans une communauté comment fonctionnait le système démocratique. C'est aussi la difficulté d'une telle étude, mais c'est passionnant tout autant de collecter les témoignages. Mais comment réussir à croiser ces témoignages pour faire la part de ce qui concerne l'individu et peut-être même simplement un caractère d'enfant, un tempérament, et puis la réalité du fonctionnement entre eux, ce qui est présenté comme réalité et puis le réel, il y a souvent un gouffre. Je dirais les deux sont aussi intéressants pour l'historien. Notre travail, qui a été vraiment un travail collectif, on est chacun parti sur les traces de plusieurs communautés, c'était justement d'essayer d'abord de s'imprégner des lieux et de lire, je dirais, en creux des archives. Entre derrière cet aspect très médiatique, essayer de percevoir le ressenti, mais aussi suivre l'itinéraire de ces fondateurs qui sont vraiment portés par une réelle utopie à l'époque. Oui, alors ça, c'est ce que je voulais vous demander. Tous ces gens qui créent ces communautés étaient des gens presque passionnés dans leur réflexion, dans la volonté de changer le mode d'éducation et peut-être même plus simplement de sauver ces enfants. Il y a de ça aussi. On les sent pris par une mission. Peut-être parfois ils sont dépassés quand trop de gamins arrivent et que ça devient très difficile. Ils sont d'autant plus concernés que pour un grand nombre d'entre eux, leur vie a été totalement bouleversée par la Seconde Guerre mondiale. C'est parfois eux-mêmes des réfugiés. Ils ont perdu parfois eux-mêmes une partie de leur famille. Donc le bouleversement qu'ils ont connu par cette période les a profondément atteints et leur a donné envie de construire quelque chose de différent. Donc je pense que ça a été un moteur très fort dans leur enthousiasme. Et puis il y a ce vieil idéal de l'éducation nouvelle, qui, malgré son nom de nouvelle, n'est pas si nouveau que ça à l'époque, qui a connu de nombreux aléas depuis la fin du 19e siècle où ça apparaît, cette volonté de réformer en profondeur le système éducatif et de remettre, c'est toujours la même préoccupation, l'enfant au centre de l'éducation. Et ce qui interpelle d'ailleurs, c'est que ces républiques d'enfants, donc vous les étudiez de 1939 à 1955, correspondent à une période où la société elle-même réfléchit à l'éducation de ses enfants et même au mode de gouvernement. Si on prend le cas français, nous réfléchissons à quelle république mettre en place. C'est la fin de la troisième, c'est la quatrième, mais déjà critiquée. Et donc il y a un écho qui se fait sans cesse obligatoirement entre ces micro-expériences et puis les réalités nationales, voire internationales. Oui, vous dites national, voire, je dirais européenne, plus que internationale, parce que finalement, assez rapidement, ça se restreint sur l'Europe. Mais il y a aussi cette construction de l'Europe qui est toujours en jeu aujourd'hui, hein, et qui est toujours en question. Et comment éduquer des enfants à la fois avoir une racine nationale, mais dépasser cet ancrage pour justement se situer dans une communauté plus large, européenne ou mondiale. Ça nous interpelle aujourd'hui, évidemment, ces questions-là. La participation de l'enfant en tant que citoyen. L'enfant est citoyen, il est parti membre de la cité. Et puis, comment construire une identité? Mais en parallèle de ces réflexions majeures, il y a le quotidien. C'est ce va-et-vient qui est vraiment intéressant entre la construction d'une utopie et la réalité du quotidien. Un exemple avec une autre archive, hein, c'est la liste des punitions. Elle est extraite du cahier des débats de l'Assemblée des citoyens d'un village, d'une communauté d'enfants. C'est en 1947, lecture par Élodie Hubert. 12 avril. Comme dans la vieille baraque, les lits sont presque toujours mal faits. Le procureur pourra donner une amende de 1 mérite jusqu'à ce que les lits soient bien faits. Dans le patio devant la maison, on ne joue pas au ballon car on abîme les fleurs et on risque de casser les vitres. 13 avril. Les bons de liberté et de sortie seront remis au restaurant. Celui qui oublie et sort hors des limites sans bon de sortie paiera 1 mérite. 22 avril. Comme certains citoyens échangent leurs bons de travail ou d'école, créant ainsi de la confusion en banque, le banquier a signalé qu'il n'acceptera aucune réclamation en cas d'erreur. 24 avril. Les frondes ont été confisquées car les citoyens, en plus de casser les tuiles des toits, visaient les poules et leurs poussins. Les citoyens sont parfois de sacrés garnements. Lecture par Élodie Hubert du cahier des débats de l'Assemblée des citoyens. Donc c'est dans le village de Fanciullo, nous sommes en Italie, en 1947. Mathias Gardet, il y a une similitude obligatoire quand nous lisons votre ouvrage International des républiques d'enfants entre ce que vivent ces enfants dans leur république et puis la réalité du quotidien de la vie, de la vraie vie. Il y a des similitudes sans cesse. C'est peut-être aussi ça qui nous interpelle énormément quand nous lisons ces républiques d'enfants. Les gamins, en fait, ce sont nous. Nous, peut-être, sommes encore des gamins. C'est amusant ce que vous dites parce que très rapidement, certaines critiques vont émerger en disant, et on le retrouve notamment dans l'ouvrage de William Golding, Sa Majesté des Mouches, hein, que les enfants seraient les juges les plus sévères hein, envers leurs concitoyens. Justement, dans cette assemblée, il y a une mesure qui est préconisée par l'Assemblée des citoyens qui m'a énormément plu en disant qu'il s'était aperçu que certains des citoyens capitalisaient un petit peu trop d'argent, hein, qui est le mérito, et que du coup, il y aurait une amende de 10% pour ceux qui auraient plus de 50 méritos qui auraient capitalisé. Hein, donc, il faudrait absolument dépenser son argent, il ne faut pas le garder. Je trouve que ça nous renvoie évidemment à des mesures qui nous amuseraient, enfin, qui nous interrogeraient sur notre propre fonctionnement démocratique. Et finalement, on assiste assez rapidement, en contrepoint de ces expériences, à une peur de laisser à l'enfant la maîtrise hein, de la politique. Hein, la peur que la politique soit pervertie par l'enfant, hein, que l'enfant ne soit pas en mesure de juger, en mesure de régner, en mesure de gouverner. Oui, et c'est justement ce problème qui explique l'évolution de ces républiques d'enfants, et notamment de l'international des républiques d'enfants, plein de petites républiques et une internationale, dans votre ouvrage hein, chez Anna Mossa. La date limite de fin est 1955. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe au milieu des années 50 pour mettre fin à cette étude? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur qui est déterminant, c'est d'abord le changement de génération. Les enfants de la guerre grandissent. Les enfants de la guerre ne sont plus des enfants. Les enfants de la guerre quittent les communautés. Alors, si on veut poursuivre cette expérience, il va falloir chercher d'autres enfants. Et là, on va se tourner évidemment vers des enfants, un public plus traditionnel, des enfants orphelins, mais pas de la guerre, ou des enfants délinquants. Et là, le consensus qu'il y avait vis-à-vis du victime de la guerre, qui symboliquement était très fort, ne va plus être présent. Alors ça, c'est une des premières raisons. La seconde, évidemment, c'est l'international rattrapé par la guerre froide. Et la guerre froide va très rapidement semer la zizanie dans cette belle internationale, dans ces rencontres entre gens venus de tous les horizons, et notamment du côté des pays de l'Est, qui vont littéralement déserter la Fédération internationale des communautés d'enfants, mais aussi des expériences plus ponctuelles, comme au sein de la communauté de Trogen, qui recevait des petits-enfants hongrois, des petits-enfants polonais. La Pologne va commencer, devenue communiste, va réclamer ces enfants. Elle va leur offrir d'abord des vacances pour qu'ils retrouvent leur pays, et les enfants qui seront partis en vacances ne reviendront jamais en Suisse. Chaque pays va réclamer ses propres enfants. Donc la guerre froide va créer aussi des très fortes dissensions politiques entre les différents fondateurs en fonction justement de leur appartenance et de leurs orientations. Et justement, il y a des expériences qui durent plus longtemps, qui arrivent, qui se maintiennent malgré ces tensions. Alors, la plupart d'entre elles disparaissent réellement dans les années 60-70. Mais nous avons pu en trouver certaines qui existent encore aujourd'hui. Alors c'est le cas par exemple de deux communautés que j'ai citées tout à l'heure près de Rome, qui est la Città dei Bambini, vraiment dans la banlieue de Rome, et Civitavecchia, dont vous avez lu plusieurs extraits, qui existent toujours, mais quand j'ai visité les lieux, je me suis aperçu que le projet initial n'était absolument plus présent. D'abord, ces lieux étaient très en ruine et l'accueil des enfants était un accueil beaucoup plus traditionnel. Et malgré la présence encore d'une banque, d'un magasin communautaire ou d'un bâtiment pour l'assemblée des jeunes, en fait, ces bâtiments étaient vides. Ou alors, le cas extrême, c'était de retourner à Trogen, qui était le siège même de cette rencontre internationale. Le village est intact. Ça nous a fait un choc visuel. Mais il n'y a plus d'enfants dedans. Il n'y a plus d'enfants dedans, mais en tout cas, ces enfants, on peut les retrouver dans cet ouvrage, l'International des Républiques d'Enfants, 1939-1955, chez Anna Mossa, avec vous. On vous retrouve, votre écriture, Mathias Gardet, avec Samuel Boussian et Martine Ruchat. Merci vivement de nous avoir présenté ces Républiques d'Enfants, cet International des Républiques d'Enfants. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anna Esquien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, le procès des attentats du 7 janvier 2015, un procès pour l'histoire. Le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher s'est ouvert hier matin à Paris. C'est le premier procès pour terrorisme qui sera filmé en France. À la une ce matin, un procès filmé pour l'histoire, celui des attentats de janvier 2015. 14 personnes comparaissent dès ce matin à Paris, soupçonnées d'avoir aidé les terroristes qui ont décimé la rédaction de Charlie Hebdo, abattu un policier à terre dans leur fuite, puis une policière à Montrouge avant de prendre en otage les clients et le personnel de l'Hypercacher, porte de Vincennes à Paris. Qu'est-ce qui donne son caractère historique à ce procès? L'émotion, bien sûr, l'ampleur de l'événement et le nombre de victimes ont marqué tous les esprits. Mais il ne s'agit pas d'une décision d'initiative médiatique qui répondrait à la nécessité d'une thérapie collective. C'est une demande de l'appareil judiciaire lui-même, une demande du PNAT, le parquet national antiterroriste. Filmer ce procès, c'est l'inscrire au titre des événements qui ont marqué l'histoire nationale, c'est en faire un événement en soi, un autre récit, une mémoire cognitive et visuelle renouvelée d'un événement vécu dans le passé. Ces procès, conservés dans leur intégralité, sont peu nombreux. On en comptait 13 à ce jour et leur captation est rendue possible grâce à une loi que l'on doit largement à Robert Badinter qui expliquait à la veille du procès Klaus Barbie en 1987 pourquoi ces tournages dans les tribunaux reposaient finalement sur un constat de perte déjà irréparable des traces du passé.